Selon des informations, le président du Conseil des chefs interarmes américains et le chef du commandement en chef des armées de Corée du Sud ont tenu le 13 octobre au département américain de la Défense la 41e réunion de la commission militaire sud-coréo-américaine. Y ont figuré aussi le commandant américain du Pacifique, le commandant des troupes d'agression américaines en Corée du Sud et autres. La réunion a examiné le système d'assistance militaire basé sur la dissuasion élargie américaine au cas échéant dans la péninsule coréenne et décidé d'élaborer et d'adopter des projets de riposte efficaces. Les fantoches sud-coréens se sont engagés à la collaboration active pour l'installation en Corée du Sud du SAD, noyau du système de défense antimissile tripartite sous la coupe américaine, pour ainsi révéler l'ambition de l'introduire à tout prix.